Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons encore une fois de plus pour cette convocation, ô Dieu, où tu nous réunis encore en ton nom, Seigneur Jésus. Sois glorifié. Bien-aimés, là où vous êtes, je vais vous prier juste d'abandonner, de laisser toute autre activité et de vous avancer juste devant votre Dieu. Parce que c'est notre moment de rendez-vous avec le Père. C'est notre moment conventionnel où Dieu nous a convoqués juste pour sa rencontre. Alors pour honorer le roi de gloire, je vais vous prier juste là où vous êtes, de laisser avec toute autre activité et juste de vous concentrer sur le Seigneur. Car il est là ce soir. Et il veut juste un moment d'intimité avec tout et chacun de nous. Il veut juste un moment d'intimité avec tout et chacun. Alors là où vous êtes, juste dans votre chambre, dans votre salon, que ce soit, vous êtes seul, juste concentrez-vous devant le Seigneur, devant le trône de gloire. Et il est là ce soir, il est là ce soir, et il va nous faire du bien. Ô Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci encore pour ce temps, merci encore pour ce privilège que tu nous donnes d'être parmi ceux, ô Dieu, qui sont en train de te lever, ô Dieu Tout-Puissant. David pourrait dire, je me réjouis quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et nous, nous avançons dans ta maison avec joie, avec allégresse, ô Dieu. Parce que c'est dans ta maison que nous trouvons toute notre solution, Seigneur Jésus. Sois élevé et sois béni, Jésus. Sois le Père qui est au-dessus de tout. Sois le Père qui siège dans les lieux élevés. Sois encore glorifié, ô Dieu, cet après-midi. Sois encore glorifié, ô Dieu Tout-Puissant, ce soir, dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous sommes dans notre pays, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, sur terre. Sois élevé au-dessus de tout. Ô le Père, bien-aimé, commence déjà à adorer ton Dieu. Commence déjà à prononcer, à chuchoter quelques phrases devant le trône de gloire. Le Dieu qui a permis que tu sois parmi, que tu sois compté parmi ceux qui sont en train de l'adorer. C'est un privilège. Saisis ce moment et dis quelque chose à ton Père. Saisis ce temps et dis quelque chose. Avance-toi devant le trône de gloire avec assurance. Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons. Toi, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Sois élevé encore à ce moment. Sois encore élevé au milieu des saints, ô Dieu. Sois béni encore au milieu des saints. Sois glorifié au milieu des saints. Sois glorifié, sois exalté au milieu des saints. Car tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne, ô Dieu. Tu en es digne, ô Père céleste. Tu en es digne, ô Dieu. Tu mérites encore ce culte. Tu mérites ce culte, ô Dieu. Tu mérites ce moment, Seigneur Jésus. Tu mérites ce moment, Seigneur Jésus. Tu mérites ce moment, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Que j'aime fléchisse devant ton trône, Père. Et toute langue confesse que tu es le roi de gloire. Que tu es le Seigneur des Seigneurs. À la droite du Père. Toute nature reconnaît ta grandeur, ô Dieu. La nature t'obéit, ô Dieu Tout-Puissant. Car tout a été fait pour toi et par toi, Seigneur Jésus. Tu es digne, tu es élevé, tu es plus grand, ô Dieu. Tu es plus grand. Qui est semblable à toi, Seigneur? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a point de semblable à toi. Il n'y a que toi qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rendre le sceau. Tu t'appelles l'agneau immolé. Tu es l'agneau immolé. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Oui, bien-aimé, avance-toi devant le trône de gloire. Nicolo, on a sait, et Gumba me la yo. Yonzambe, Yonzambe, Anguya. Nicolo. Chante chantons-les ensemble. L'Icolonace, l'Icolonace, et Gumba me la yo, Yonani, Yonzambe, Yonzambe, tu yembi, chantons-les ensemble, Jésus. Yeah. ensemble. De grâce, oh Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment. Sois infiniment glorifié, Seigneur. Tu as permis que nous soyons là, Seigneur. Tu as permis que mon frère et ma sœur soient là encore dans ta présence en train de te lever. C'est pourquoi nous te glorifions, Seigneur Jésus. Père, parle encore à nos cœurs, oh Dieu Tout-Puissant. Que toi seul nous ouvre encore nos cœurs devant toi, Seigneur. Que toi seul vienne et plante ta sémence en nous, Seigneur, ce soir. Sois béni et sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Tuna sifu jina la Bwana. Bénissons le nom du Seigneur. Celui qui continue à nous donner la vie. Celui qui continue à nous donner le souffle de vie. Il continue à nous protéger, que ce soit dans notre pays ou dans le monde entier. Même lorsqu'il y a les problèmes d'aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit encore béni. Nous allons écouter une courte parole avant de prier. Et nous allons prier un peu avant d'écouter la parole de Dieu. Baba, tunasifu jina lako. Père, nous bénissons ton nom. Kwa wema wako unaotupewa upya siku hadi siku. Pour ta bonté qui se renouvelle à notre faveur chaque jour. Tuko hapa kudunia juu ulipenda tukue hapa. Nous sommes ici sur la terre parce que tu as voulu que nous y soyons. Tangia tumbo ya mama unatusaidia. Depuis le ventre de notre maman, oh, tu continues à nous garder. Hata kwa maisha yetu ya kesho na ya milele. Même dans notre vie future et éternelle, nous continuons à compter sur ton appui. Et nous nous appuyons à ton soutien dans notre génération. Nous avons besoin encore de ta présence cette soirée. Que le Saint-Esprit soit le bienvenu et qu'il durisse ce moment. Qu'il contrôle chaque pas. Et que le Seigneur Jésus soit encore glorifié dans notre monde, dans notre pays et dans notre ministère. Bénis ta parole, bénis tes enfants qui vont recevoir cette parole. Que cette parole soit pour eux une nourriture et un soutien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole que nous voulons nous entretenir, nous allons parler d'un thème qui est intitulé Tenir ferme, Kujishikilia imara, face au va contraire. Mbele ya upepo na uvuma kinyume. Tunaona ya kwamba kuna mpepeo mkali ambao unavuma katika ulimwengu leo. Nous voyons un vent contraire qui est en train de naviguer dans le monde aujourd'hui. Na mupepeo unapovuma kama juu ya muti. Et lorsque le vent est entré de se frapper sur un arbre, kunakuwa hatua mbili, au muti itabaki na simama au itaanguka. Il y a deux mouvements, soit l'arbre va rester ferme ou bien l'arbre va tomber par terre. Ikiwa ni mpepeo umetoka kulimwengu wa giza. Si c'est un vent qui est venu du monde de ténèbres, ina makusudi ya kuangusha na kuharibu kabisa. Ce vent vient avec un objectif de faire tomber l'arbre et de le détruire. Et cette parole, cette soirée d'aujourd'hui, c'est pour nous dire de tenir ferme. Même si le vent de notre époque, même si le vent de notre époque est en train de souffler, ils ne font pas que nous tombions. Il faut rester ferme dans notre foi. Parce que la grande bataille qui est en train de se passer sur la terre aujourd'hui, dans le monde spirituel, c'est pour que les gens puissent renier leur foi. C'est pour que les gens soient affaiblis dans leur foi. C'est pour que les gens puissent perdre leur espérance. Et c'est pourquoi nous avons besoin du soutien des dieux. Afin que nous puissions rester fermes. Même si le vent souffle d'une grande envergure. Même si le vent est contraire à notre marche. Et nous voyons que les serviteurs de Dieu, les apôtres qui nous ont précédés, ont rencontré ces moments. Et le Seigneur Jésus savait bien que nous allons rencontrer, nous allons faire face au vent. Nous voyons dans les livres de Matthieu chapitre 14. Nous allons voir là-bas l'expérience des disciples. Experience ya yule ambaye alikuwa mtume mkubwa kama Petro, yeye mwenyewe alikutana hii mupepeo. L'expérience d'un grand des grands apôtres qui était appelé Pierre qui a aussi fait face à ces vents. Nitamuuliza Nehemia anaweza kutusomea. Nous allons lire kwa Matthieu 14 tunaanzia verset 22. Tunashuka paka 32. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu, le 14e chapitre du verset 22e jusqu'au 32. Lisons au nom de Jésus. Aussitôt après, Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Amen. Toi, patunaona, Bwana Yesu ye mwenyewe akapana amri mitume wavuke ngambo ya pili ya bahari. Ici nous voyons Jésus-Christ qui est en train d'ordonner à ses disciples de traverser à l'autre bord de la mer. Unaposoma Biblia yako utaona safari ilipoanza ilianza kawaida ilianza vizuri. Et lorsque tu lis ta Bible, tu vas constater que le voyage a bien commencé. Lakini ilifika katikati ya maji. Mais lorsqu'ils étaient au milieu de la mer, mtumbu ulikuwa umeenda kabisa. La pirogue avait déjà commencé le voyage. Ni kama vile dunia yetu. C'est comme notre monde qui se développe bien. C'est comme l'église qui est en train d'avancer. C'est comme la famille qui est en train d'avancer. Et il est arrivé maintenant un moment au milieu de la mer. C'est là que nous voulons parler de notre première chose. Disons que le vent, c'est une chose que tu n'as pas préparée. Ni anaita mu français ni éventualité ni kitu kinaweza kufika bila kutaka kwako. C'est une éventualité qui peut arriver sans que tu l'aies prévu. Ni kitu ambacho kinashtua tu. C'est quelque chose qui vient à l'instant même. Ni kama vile leo tunaona dunia yetu imeshutuliwa. C'est comme aujourd'hui nous voyons que le monde a été surpris. Nous avions bien commencé l'année. Mwezi wa tatu. Et lorsque nous sommes arrivés au troisième na mois, mambo imebadilika. Les choses ont changé. Kila kitu kimesimama. Toute chose a été arrêtée. Mupepeo mkubwa imepiga dunia mzima. Il est venu un vent qui a soufflé sur toute inapiga la terre. Inapiga mataifa zote. Qui est en train de souffler sur toutes les nations. Inapiga continents zote. Qui est en train de frapper tous les continents. Inapiga hata kanisa. Qui est en train de frapper même l'église. Kiwango hata tumekatazwa hatuwezi tena kukusanyika ndani ya kanisa. Nous voyons même il a été interdit que nous nous réunissions ensemble mupepeo à l'église. Mupepeo imepiga uchumi. Et le vent en question a frappé l'économie mondiale. Leo, hata kazi zimesimama. Aujourd'hui même, les travaux et les emplois ont arrêté. Sekteri zote zimepigwa na umu pepeo. Tous les secteurs ont été frappés par lakini ce vent. Lakini tulipoanza safari kwa mwaka huu. Mais lorsque nous avions commencé les voyages en cette année, hatukutarajia. Nous n'avions pas prévu katika ça. Katika mipango hatukupanga. Dans nos planifications, nous n'avions pas lakini mis ça. Lakini ni ukweli ambao unatukutana kwa njia. Mais c'est une vérité, une réalité qui nous raconte na en chemin. Na hapa tunaona wandugu walikuwa katika safari ambao Bwana yeye mwenyewe aliamuru waingie ndani. Et nous voyons que ces bien-aimés étaient dans un voyage que le Seigneur lui-même leur avait ordonné d'entrer. Haiko kusema walikuwa katika maisha ya zambi. C'est pas à dire qu'ils étaient dans une vie de péché. Tunajua ya kwamba kuna mipepeo ingine naweza kutokana na maisha mabaya ya watu wao wenyewe. Nous savons bien qu'il y a des vents qui peuvent souffler sur une vie à cause d'une mauvaise manière de kama vivre des gens. Kama mpepeo ambao ulimpata huyu mtumishi wa Mungu Jonas. Comme le vent qui a soufflé sur l'homme de Dieu Jonas. Katika désobéissance yake kwa sauti ya Mungu. Dans sa désobéissance à la voix de Dieu. Kule mpepeo ilimkutana. Il y a un grand vent qui les rencontra à mi-chemin. Lakini hapa tunaona watu walikuwa katika chemin yenye Mungu yeye mwenyewe Yesu Kristo aliwatia ndani. Mais ici nous voyons que les gens étaient dans un chemin que Jésus lui-même leur avait ordonné d'entrer dedans. Ndio maana tunazungumzia kwamba mpepeo ni kitu kinaweza kufika. Et c'est pourquoi nous parlons que le vent c'est une éventualité. Na hii mpepeo inataka kuongea ni langage ya kuonesha kuna magumu. Et c'est un langage voulant dire qu'il y a des difficultés. Na mpepeo unaweza kutoka kwa shetani. Le vent peut venir du diable. diable, ayant des objectifs qu'il veut atteindre. Lorsque nous lisons dans les livres de Luc chapitre 8, si tu regardes là-bas, Jésus était dans une barque avec les disciples et ils étaient en train de traverser de l'autre bord. Je crois que dans les mondes de ténèbres, ils ont vu que c'était une occasion de détruire Jésus et la mission avec le disciple avec lequel il était. Et la première chose que nous devons comprendre dans ces passages, le monde entier, et que la barque est au-dessus des eaux. Notre vie est semblable à une barque au-dessus des eaux. L'église est comparable à une barque au-dessus de la mer. Et il y a des vents qui peuvent nous rencontrer sur le chemin. Et c'est pourquoi il n'y a aucune chose en laquelle nous puissions mettre notre confiance en cette terre. Lorsque tu te confies en une chose, cette chose-là, tu seras en train d'être ballotté avec la chose en qui tu places ta confiance. C'est pourquoi en des moments comme celui-ci, il faut que notre confiance repose en Jésus seul. Parce que lui, il n'y a pas un vent qui peut le bousculer. Il n'y a pas un vent qui peut bousculer le royaume de Dieu. La deuxième vérité que nous pouvons apprendre pendant ce moment, c'est pour dire que Jésus est au-dessus de toute autorité. Nous voyons dans notre texte, lorsque les vents étaient en train de malmener les disciples, lorsqu'ils criaient qu'ils avaient déjà perdu espoir, lorsqu'ils voyaient la mort devant eux, comme plusieurs d'entre nous qui croient qu'ils ne vivront plus, l'espérance a été perdue pour plusieurs. Plusieurs commencent à murmurer et à crier. L'assurance de plusieurs a été perdue. Plusieurs ne voient que la mort. Mais nous voulons dire ceci. Jésus est au-dessus de tout vent. Jésus est au-dessus de toute autorité. C'est pourquoi dans notre texte de base, lorsque les difficultés étaient intenses, Jésus est venu à marcher sur les eaux. Mes bien-aimés, mes frères, malgré que le vent peut souffler, ce vent ne peut pas être au-dessus de Jésus. Le pouvoir de Jésus est au-dessus de n'importe quel vent. Même si c'est Satan, même si c'est quel démon, même si c'est ce virus qui est en train de terroriser le monde entier, l'enfant de Dieu là où tu es en train de m'écouter, si tu es en Amérique, si tu es en Asie où tu es en train de m'écouter, si tu es en Europe où tu es en train de m'écouter, si c'est en Océanie que tu es en train de m'écouter, si tu es en Afrique tu es en train de m'écouter, qui est au-dessus de toute autorité, qui est au-dessus de tout pouvoir, qui est au-dessus de tout pouvoir, qui est au-dessus de toute puissance. Même si c'est venu n'importe comment, Jésus est au-dessus. Et c'est pourquoi il est venu en se présentant, marchant sur les eaux. Et nous voulons que ce moment, tu vois Jésus venir devant toi, marchant au-dessus de ces coronas. C'est ça la vérité qu'en tant qu'église que nous devons retenir. La troisième vérité que nous devons retenir en ce moment, présence ya bwana wetu Yesu Kristo. Que Seigneur Jésus. Dieu gage la sécurité absolue et tout. Et les gages de notre sécurité absolue. Dans Luc 8. Tunaona Yesu Kristo. Nous voyons Jésus Christ. Alikuwa na jilalia calmement ndani ya ile barque. Qui dormait calmement dans la barque. Na imu pepeo ilipiga hii barque. Et le vent était en train de frapper la barque. Na imu pepeo ilipiga hii barque. Le vent était en train de frapper la barque. Lakini ilikuwa vigumu mupepeo iazamishe barque ambamo Yesu yuko. Mais c'était impossible que le vent puisse faire noyer la barque dans laquelle Jésus était. Ndio maana tunataka kualika kila yoyote atatusikia. C'est pourquoi nous voulons inviter quiconque va nous écouter. Sécurité yako. Ta sécurité. Ni kualika Yesu. C'est inviter Christ dans ta vie. Sécurité à inchi. La sécurité du pays. Ni wakati tunaita Yesu ndani ya inchi. C'est lorsque nous appelons, nous invitons Jésus dans le pays. Asante kwa raisi wetu. Merci à notre président. Mheshimiwa Kisekedi. Excellence le président Félix Tshisekedi. Rasmi amefanya ndani ya uwanja kumwalika Yesu awe bwana wa hili taifa. Qui a invité solennellement le Seigneur Jésus pour qu'il Hivi, soit le maître de ce pays. Tunaweza kuhakikishwa. Et nous pouvons être rassurés. Taifa la Congo halitaangamia na hii mpepeo. Que notre pays ne va pas être noyé avec ce vent. Na tunaweza kuhakikisha. Et nous pouvons assurer. Afrika haitaangamia na hii mpepeo. Que l'Afrique ne va pas se noyer avec le monde ne va plus se noyer avec kwa ce vent. Yesu yuko hapa. Parce que Jésus est là. Kwa njia ya Roho Mtakatifu wake. Au travers de son Saint-Esprit. Na tumesikia mchungaji akihubiri hapa. Et nous avions écouté le pasteur prêcher ici. Ya kwamba hii majaribu haitaweza kuendelea. Disant que cette situation ne va pas continuer. Kwa sababu yule anayemzuiza shetani angali duniani yani Saint-Esprit. Parce que celui qui continue à retenir l'impie est encore sur la terre. Unajua tu le Saint-Esprit akibeba kanisa. Si le Saint-Esprit enlève l'église. Mupepeo itakao ingia mwa hii dunia. Le vent qui va souffler Mateso sur ce monde. Mateso itakao ingia mwa hii dunia. Le malheur qui va tomber sur ce monde. Ukisoma Matthieu 24. Lorsque tu lis dans le livre de Matthieu 24. Lorsque tu lis dans le livre de Luc 21. Ni Mateso haiafikaka. Tu vas voir que ce sont des problèmes, des malheurs qui ne sont jamais arrivés. Même Jésus lui-même a dit. Itakuwa débit ya douleur. Ce ne sera que le débit de la douleur. Ça veut dire que la douleur va être en train de s'augmenter. Mais gloire à Dieu ambaye anazuiza shetani, qui est en train d'arrêter l'ennemi, na majeshi zake, qui est en train de les retenir avec ses armées, pour détruire hii barque ambayo iko katika. Pour qu'il ne détruise pas cette barque qui est dans son voyage. Pour détruire kanisa. Pour qu'il ne détruise pas l'église. Pour détruire mtoto wa Mungu. Pour qu'il ne détruise pas l'enfant de Dieu. Pour détruire les nations. Pour qu'il ne détruise pas les nations. Shetani anaweza kufurahi. Satan peut être en joie. Wengi waendelee kufa hivi. Il peut se réjouir que plusieurs continuent à mourir. Bila kumujua Yesu. Sans qu'il ne connaisse Jésus. Ili wapotee milele. Pour qu'ils se perdent éternellement. Sababu wanao kufa bila Yesu. Parce que ceux qui meurent sans Jésus. Wanapotea. Ils sont perdus. Kwa milele. Éternellement. Hivi tunaweza kusema. Et nous pouvons dire. Yesu Kristo ndi présence ya Yesu Kristo. Que la présence de Jésus. Ndani ya barque. Dans notre barque. Présence ya Yesu Kristo ndani ya roho yako. La présence de Jésus dans ton cœur. Ukisoma pale mu verset 32 lique Matthieu 14 32. Si tu lis dans le livre de Matthieu 14 le verset 32. Il est écrit. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Na wakapanda ndani ya mashua na upepo kakoma. Quand Jésus est entré dans la barque, il pigwa na aina zote za mipepeo, qui a été frappé par n'importe quelle sorte de vent, mupepeo ilikoma. Le vent cessa. Na mimi nataka kutangaza. Et je suis en train de proclamer. Ya kwamba huu mupepeo utakoma. Que ce vent va cesser. Kwa sababu Yesu angali hapa. Parce que Jésus est encore ici. Iko ndani ya kanisa lake. Il est dans son église. Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Au travers du Saint-Esprit. Mupepeo hii itakoma. Le vent en question ici va cesser. Corona itakoma. Le corona va cesser. Bien-aimé, Bwana Yesu alikuwa anakuja. Bien-aimé, Jésus venait. Alikuwa anakuja kuwasekurir. Il venait pour les secourir. Tuzungumuzie ile kama point yetu ya ine. Parlons de ça comme notre quatrième point. Katika mipepeo mikali. Dans de vents qui sont atroces. Bwana Yesu haikalake mwenye kunyamaza. Le Seigneur Jésus ne reste pas calme. Le Seigneur Jésus lui-même connaît que nous sommes une barque au-dessus des eaux. Et il y a des vents de toutes sortes. Qui est l'image des difficultés des différentes sortes que nous pouvons affronter dans notre voyage. Comme la difficulté à laquelle nous nous affrontons aujourd'hui. Et nous voyons ici que Jésus venait avec l'intention de le secourir. Jésus n'est pas resté calme alors que ces gens souffraient. Mon frère, partout où tu es en train de m'écouter, si tu es dans un hôpital, sache que Jésus vient te secourir. Si tu es dans n'importe quelle situation, sache que Jésus vient te secourir. Jésus vient secourir l'Afrique. Jésus vient secourir l'Europe. Jésus vient secourir l'Asie. Jésus vient secourir l'Amérique. Jésus vient secourir l'Océanie. Notre monde. Nous n'avons que celle qui vient nous aider. Qui vient nous secourir, c'est Jésus. Nous pouvons l'acclamer. C'est lui qui nous donne le soutien. Même dans nos souffrances, il ne nous abandonne pas. Il ne nous livre pas. David disait, ne me livre pas, Seigneur, au bon vouloir de mes ennemis. Même si le corona est venu avec le dessein de détruire beaucoup de personnes, le Seigneur Jésus vient pour nous secourir. Pour que le corona ne puisse pas nous avaler. Pour que le corona ne puisse pas nous exterminer. Et je suis en train de proclamer qu'il ne va pas nous exterminer. Nous allons continuer jusqu'à la fin de ce voyage. J'aime beaucoup ces cantiques. Il n'a pas dit Hakusema. Tout azama. Que nous allons nous noyer. Mais il a dit allons à l'autre bord. Notre Seigneur Jésus nous Mahali attend à l'autre bord. Là où il a préparé Mahali le bonheur. Là où il a préparé la bénédiction. Toi chrétien, sache qu'il y a une bénédiction qui Simama t'attend. Lève-toi dans la foi. Continue avec les voyages. Même s'il y a ces problèmes, continue avec les voyages. Nous allons parler de la cinquième chose avant que nous ne clôturions pour prier. Quel est le défi que nous avons lorsque le Seigneur vient pour nous aider? Nous voyons ici que lorsque le Seigneur Jésus est venu pour les aider, les secourir, les disciples ont commencé à les voir comme un fantôme. Mais bien aimé, mes frères, l'ignorance de notre Seigneur Jésus, même dans des circonstances qui se présentent en contraire, même lorsqu'il y a des difficultés, même lorsque les vents sont contraires, lorsque Jésus vient, ton défi, mon défi, c'est l'ignorance, ce n'est pas lui. Lorsque Jésus approchait pour les secourir, ils n'ont pas si le connaître. Ils ont commencé à avoir peur de lui. Et ils l'ont vu comme un fantôme. Et c'est pourquoi notre monde est en train de souffrir. C'est pourquoi l'Église, nous sommes en train de souffrir. Parce que nous ne pouvons pas reconnaître Dieu lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés. Plusieurs, nous voyons toutes choses apparaître comme des fantômes. Même lui, lorsqu'il vient pour nous secourir, nous le voyons comme un fantôme. Mais gloire à Dieu. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour les rassurer. Je veux que l'Église vous soyez rassurée. Soyez rassurée. Lorsque la mort était en train de traverser l'Égypte, Dieu a rassuré les enfants d'Israël. d'Israël. Il a dit, vous allez mettre les sentiers lentos de vos maisons et la mort ne va pas entrer dans vos maisons. C'est le moment où vous allez résister le diable par la foi. Et dans vos prières, vous allez invoquer le sang de Dieu pour couvrir vos maisons. Vous allez invoquer le sang de Jésus sur les villes. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Comme à l'Égypte, les enfants d'Israël, ils ont eu leur sécurité au travers du sang de Jésus. Bien-aimé, Jésus est venu pour les assurer. Et Jésus est venu pour les encourager. Comme il est en train de t'encourager maintenant, pendant ce moment, il ne faut pas que tu sois découragé, mais que tu te tiennes ferme dans ta foi. Que tu places encore ta confiance dans la parole de Dieu. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. C'est une grande promesse. Lève-toi avec ta famille. Lève-toi avec cette promesse. Et le Seigneur ne va pas nous abandonner. Nous, en tant qu'église, le Seigneur ne va pas nous abandonner. Malgré les problèmes, nous voyons Jésus qui vient. Na akawatia moyo. Et qui les encourage. Na mutumishi wa Mungu Pierre. Et le serviteur de Dieu Pierre. Akaweza kumuambia. Lui a dit. Kama ni wewe. Si c'est toi. Inaonesha ya kwamba walikuwa na madute. Ça veut dire qu'ils avaient des doutes. Haiko wakati ya kuwa ndani ya dute hii. C'est pas un moment d'avoir des doutes pendant cette période. Ni wakati wa kuamini. C'est une période où nous devons croire. Haiko wakati wa kushakia neno la Mungu. Ce n'est plus une période où nous devons douter avec la parole de Dieu. Sababu ni wakati shetani atatembea. Parce que c'est le moment où le diable va marcher. Informations mingi zitatembea. Il y aura plusieurs informations qui vont circuler. Oh, mutie mai munywele. Oh, mettez les cheveux dans l'eau. Mettez les cheveux dans l'eau. Ce n'est que mensonge tout Pierre ça. Alimwambia Yesu. Mais Pierre a dit à Jésus. Kama ni wewe, si c'est toi. Uamuru, ordonne. Na mimi, et moi. Nikuje kwako, que je vienne à toi. Tembea juu ya maji. En marchant sur les eaux. Tumeitwa sisi kanisa. Nous sommes appelés en tant qu'église. Simama katika kutii neno la Mungu. Lorsque nous nous levons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tunaweza kuexperimenter makubwa. Nous pouvons aussi expérimenter des grandes choses. Wakati wa mupepeo. Pendant cette période de vent. Ni wakati watoto wengi wa Mungu duniani. C'est le moment où plusieurs enfants de Dieu dans le monde. Expérimenter imani yao. Dieu veut qu'ils expérimentent. Qu'ils activent leur foi. Qu'ils mettent leur foi en œuvre. Dans le lit que Jésus leur dit. Où est votre foi? Pourquoi vous aviez eu peur? Et aujourd'hui, Dieu veut voir notre foi. Dieu veut que nous exercions notre foi devant cette foi. Nous avons le pouvoir de dire. Tais-toi, toi, vent. Nous avons le pouvoir de dire, vent, tu ne vas pas traverser cette barrière. Et c'est pourquoi nous pouvons dire ceci. Ceux qui sont en train de dire que l'Afrique va connaître son pire. Nous pouvons dire au nom de Jésus. L'Afrique ne va pas connaître le pire. Parce que Jésus est en Afrique. Jésus est en Afrique. Mes frères, je vais terminer en disant ceci. Au verset 31, la Bible dit que Jésus leva la main. Mukono, il leva la main ya kusekurir Pierre, pour secourir Pierre alipoanza kuzama. Lorsqu'il commençait à se noyer. Ya sekur, cette main de secours iende duniani mzima, qu'elle aille dans le monde entier bale biko kuma hopito, et qu'elle secoue ceux qui sont mukono dans les hôpitaux wa Yesu, que la main de Jésus sekurir bale bange kufa, secoue tous ceux qui pouvaient mourir, sekurir manation. Secours toutes les nations qui sont faibles. Ma famille. Secours toutes les familles qui sont en train de se noyer. Même si tu étais déjà atteint du corona, que la main du Seigneur empêche la mort et qu'il te donne encore à être sauvé. Et Jésus est en train de répondre à la prière de Pierre. Pierre a fait juste une courte prière. Et je vais finir par là. Kanisa tuamini maombi mafupi. Oh, Église, croyons même à des prières courtes. Dieu ne répond pas seulement à des prières longues. Dieu ne répond pas seulement à des prières de jeûne. Dieu ne répond pas seulement à veillées. Dans ces versets, au verset 30, prière à Pierre, à l'ilalamika kisema, la prière de Pierre, Seigneur, sauve-moi. Popote duniani, partout dans le monde, ukisema tu Seigneur sauve-moi, kama unasema Bwana niokoe, na wewe uokolewe, toi aussi sois sauvé, sababu imeandikwa, parce qu'il a été écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé, ataokolewa, soyez sauvé, okolewa, kule mudunia pote dans le monde entier, partout tu te retrouves, laisse que tu sois sauvé au nom de Jésus, soyez sauvé en France, soyez sauvé en Italie, soyez sauvé en Espagne, soyez sauvés en Chine. Soyez sauvés en Iran. Soyons sauvés ici en Afrique. L'Église, soyons sauvés. Soyons sauvés. Et enfin, nous voyons. Le vent a cessé. La bonne nouvelle est que les enfants de Dieu ont triomphé au-delà de ce vent. Église du Seigneur, nous allons triompher. Tout à Chinda. Nous allons triompher. Tout à Chinda. Nous allons triompher. Tout à Chinda. Bien sûr, ils montèrent dans la barque. Wakapanda ndani ya chombo. Ceux qui étaient dans la barque. Waliokuwa ndani ya chombo. Bien aimé. Mupendwa. Mupepeo ilikoma. Le vent a cessé. Et nous proclamons que le corona va finir. Nous proclamons que nous allons revenir ici. Notre prière est que l'Église nous revenions dans nos activités. Rentre dans ton lieu de travail. Rentre dans ton lieu de voyage. Rentre encore dans tes affaires. Et c'est ça la bonne nouvelle. Le vent n'est pas tout pour perdurer. Nous allons traverser. Nous allons traverser. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Comme David dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Avec toi, tout en bas. Nous allons prier. Nous allons prier. Tout en bas. Nous allons dire à Dieu. Tout en bas. Nous allons dire Seigneur Jésus. Pendant ce moment où le vent est en train de souffler avec une grande vitesse dans le monde, nous avons besoin de ton secours. Tu vas appeler le secours de Dieu, pas seulement pour l'Afrique, mais pour toutes les personnes dans le monde entier. Parce que cette barque, nous tous nous y sommes. Même ceux qui croient en Dieu, même ceux qui ne croient pas en Dieu, nous allons dire Seigneur, secours-nous. Que ce vent ne nous extermine pas. Corona, ici, que cette corona, ce corona ne nous extermine pas. Nous allons dire Seigneur, nous prions. Nous sommes en train de prier pour que cette situation cesse. Parle à la prière et prie et dis au Seigneur Jésus de nous secourir. Disons à Dieu, c'est toi notre secours. Dans notre problème sur la terre. Dans nos difficultés, dans notre génération. Nous n'avons pas un autre Père. À qui nous pouvons aller? Pendant ce moment, c'est auprès de toi que nous levons nos yeux. C'est auprès de toi que nous levons nos yeux. Aide-nous. Notre Seigneur, secours le monde. Seigneur, ne laisse pas ce monde être exterminé par ce vent de corona. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Sans tarder, viens entre les dents. Sans tarder, entre dans ses affaires. Et sauve ton peuple. Ça se trouve dans le monde entier. Ne laisse pas notre monde être exterminé. Seigneur, écoute la prière de l'Église. Écoute la prière de tes disciples. Tu as écouté les prières, la prière des disciples. Sauve-nous. Sauve-nous. Sauve l'Europe. Sauve l'Asie. Sauve l'Amérique. Sauve l'Australie. Nous allons prier pour soutenir notre nation. Nous connaissons l'état dans lequel nous sommes. Sans Dieu, nous ne pouvons pas nous en sortir dans cette situation. Si le Seigneur ne vient pas, cette nation ne peut pas sortir. Et c'est pourquoi nous allons intercéder pour notre intercéder pays. Dieu. Nous allons intercéder pour tous les Congolais. Partout ils peuvent se retrouver. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit dans la diaspora. Que cette prière puisse atteindre tous les Congolais. Nous allons dire à Dieu de soutenir nos frères Congolais. Et que Dieu puisse fortifier notre nation. Que Dieu continue à prendre ces problèmes. Nous n'avons pas une économie. Nous n'avons pas la force de Et nous ne pouvons pas nous sauver. Dans ces mains. Dans ces vents. Dans cette menace. Qui entre les menaces de toutes les nations. Cette loi de la condamnation qui est derrière les corona qui est en train de nous empêcher à servir Dieu dans le temple qui est en train de refuser que l'église puisse qui est en train d'empêcher les chrétiens de venir dans la maison de leur père pour louer Dieu. Nous voyons que la loi alors à l'époque de Daniel était en train de viser l'homme de Daniel. Et la loi était taillée sur mesure pour combattre l'homme de Daniel. Dans le monde spirituel, tu peux voir que c'est l'église qui était visée. Que les portes des églises soient fermées. Que cette sœur qui chante ne puisse plus chanter. Que cette maman ne puisse plus offrir à Dieu dans l'église. Nous allons dire à Dieu, nous sommes en train de briser cette loi. Nous sommes en train de briser cette loi. Nous allons nous lever contre cette loi démoniaque qui est en train de se lever contre l'église, qui est en train de combattre l'église. Partons pour combattre cette loi. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous sommes en train de nous lever contre toutes les lois qui ont été levées au contraire de l'église pour empêcher l'église de Dieu, que l'église de Dieu ne puisse pas progresser avec ses responsabilités comme nous a-t-il nous a donné c'est pourquoi nous appelons Père. Nous savons que derrière le corona il y a des pouvoirs qui font des ténèbres et nous sommes en train d'arrêter ces pouvoirs. Nous sommes en train d'arrêter ces choses. Parce qu'ils sont en train de refuser les progrès de l'Église. Parce qu'ils sont en train de lever contre les enfants de Dieu. Ils se lèvent contre la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit. Toi, notre montagne. Qui est écrit montagne. Et moi, ton parole, tu vas tomber. Tu es qui corona. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Nous allons soutenir les corps médicaux qui sont à la première ligne pour soutenir le monde entier. Nous allons prier pour eux une grâce spéciale. Que Dieu les utilise puissamment. Lorsqu'ils sont en train de prendre soin des malades, que Dieu puisse communiquer. Prions que Dieu puisse ouvrir l'intelligence de différents chercheurs afin qu'ils aient un soin approprié pour cette maladie. Prions Dieu. Baba, tu n'as pas de corps médical. Na kobanga nzambe Yesu na nga Nous disons merci Seigneur de nous avoir agréé dans ta présence. Laisse que ta main qui soutient continue à soutenir tes enfants partout et tes étant leur berger, qu'ils ne manquent de rien. Nous croyons à ton soutien. Fais-nous grâce afin que nous puissions traverser étant vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen.